Sujet de la soirée, savoir attendre pour réussir. Avant de se lancer dans le concept de la réussite, il faut parler du temps. C'est quoi du temps? Ça sert à quoi d'attendre? Ça sert à quoi de vivre du temps? Puis c'est quoi du temps, sa planète, versus du temps par rapport à l'esprit? Toutes ces questions-là, il faut répondre à ça avant de penser à réussir quoi que ce soit. Quand on parle de temps, on parle inévitablement d'une dimension qui suggère une capacité de lire. Tu as besoin de temps pour apprendre à lire, pour apprendre à regarder comment faire la chose, comment s'exécuter. Parce qu'en général, quand on parle de réussite, on parle d'une capacité de neutraliser un problème. Il y a un problème qui se pose dans votre vie, puis ce problème-là demande à être éliminé. Éliminer, ça veut dire neutraliser. Le mot exact, c'est neutraliser. Mais pour un ego, c'est éliminer le problème. Fait que si vous avez à neutraliser un problème, ça suggère qu'il faut que vous compreniez le problème. Vous ne pouvez pas vous attaquer à un ennemi sans savoir comment il fonctionne. Donc, peu importe la nature du diagnostic que vous avez à faire devant une situation dite problématique, vous devez d'abord la comprendre. Comprendre un problème, c'est avant tout savoir le lire. Une personne qui ne sait pas lire un problème ne peut jamais régler de problème. Et ça va créer des conditions d'impuissance extrême parce que ne pas régler de problème, ça suggère que toi, tu meurs du problème. Le problème va te ronger, il va te bouffer morceau par morceau jusqu'à temps que tu n'aies plus zéro vitalité, zéro ressource, zéro capacité d'y faire face. En d'autres termes, un problème, c'est la partie de vous qui cherche à vous amener vers la mort. Le problème est généré par vous, vous êtes attiré vers le problème. Et le problème, s'il n'est pas réglé, il vous fait mourir. Vous allez tous mourir, donc vous avez tout à faire face à un problème éventuellement, devant un processus vital, un processus de santé, et il va vous falloir avoir assez d'intelligence pour trouver la solution. Évidemment, l'éternité, pour l'instant, on ne l'envisage pas comme étant possible à régler immédiatement, mais tout l'être humain, toute la nature humaine travaille à se donner le plus de temps possible de vie. On avait des époques où le monde avait des espérances de vie de 35 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à 60 quelques années d'espérance de vie, peut-être plus même, je ne sais pas. Hein? 75, ça s'est rendu là? Oui, c'est bon. Ben, 75 ans d'espérance de vie, ça veut dire qu'on a réglé beaucoup de problèmes qui nous ont permis de progressivement allonger notre capacité de vie. OK? On suit. Donc, on a du temps parce qu'on a une meilleure lecture. On a moins de temps quand on n'a pas de bonne lecture. Donc, un être humain, techniquement, étudie toute sa vie. Une personne qui se refuse à l'étude raccourcit son temps de vie. Raccourcit son temps de vie parce que les problèmes prennent le dessus sur sa personne. Vous me suivez jusque-là? Bon. Fait que si un problème est... C'est comme le casino, le meilleur exemple, je ne peux pas vous donner. Le casino, plus vous restez longtemps dedans, plus ils sont sûrs de vous bouffer votre paye. OK? Parce que même si les odds, c'est 50-50, ou 49-51, je pense, il y a 2% à l'avantage du casino. Même si l'avantage technique ou théorique, c'est 49-51 pour le casino, en réalité, plus d'avantages si vous restez plus longtemps. Plus longtemps vous restez, plus il y a l'avantage chez vous autres. Ça veut dire que le temps est toujours à l'avantage du problème. OK? La solution, c'est de l'intelligence appliquée contre le problème pour gagner du temps. Donc, c'est l'intelligence qui vous garde en vie et qui vous permet d'avoir le temps de faire vos choses. OK? Donc, réussir, si on va vers la notion de réussite, réussir, c'est réussir à tirer avantage du temps, à faire les choses plus vite. Mais pour les faire plus vite, il faut avoir la solution qui s'applique contre le problème qui gagne du temps sur vous. Pour gagner du temps sur le temps, il faut avoir des solutions, donc il faut avoir beaucoup d'intelligence. Ça va? Donc, savoir attendre, en priori, ça donne l'impression que c'est à l'avantage du problème, parce qu'on attend. Mais c'est le temps que ça prend pour apprendre à comprendre le problème qui est nécessaire pour avoir une solution assez rapidement qui puisse s'appliquer contre le temps que le problème a à l'avantage. Un problème, ça a toujours à vous faire attendre, Fait que il faut que tu commences par le jouer le jeu du problème. OK, c'est correct, m'attendre, je vais essayer de comprendre c'est quoi le problème. Puis le temps que ça te prend de comprendre le problème, ben c'est du temps que tu vas, que si tu as les ressources pour pouvoir attendre, c'est du temps qui va être à ton avantage éventuellement si tu as une bonne lecture. C'est toujours conditionnel au fait que vous avez une bonne lecture. Si vous avez une bonne lecture du problème, là, après ça, vous pouvez trouver la solution assez rapidement, puis inévitablement régler le problème. Donc, arrêtez d'attendre. Donc, il faut savoir attendre pour apprendre à lire. Puis la réussite vient de ta capacité d'étudier pendant le temps que tu es obligé d'apprendre à savoir comment ça marche le problème. C'est quoi la nature du problème? Qu'est-ce qui fait le problème? Puis quand tu es sûr, quand tu as fait le tour de tout ce qui pouvait être à l'avantage du problème pour qu'il se répète puis qu'il fasse que, bon, il diminue ta capacité vitale ou ta capacité, une ressource quelconque, ça va gruger tes capacités. Quand tu sais qu'est-ce qui gruge tes capacités, bien là, tu peux commencer à appliquer une solution. La réussite, c'est l'application de l'intelligence contre le temps. Le temps étant le diable, étant le mal. Le mal ultime, c'est le temps. Le temps vous mange, le temps vous détruit, le temps crée chez vous des restrictions, des durcissements, de la fixité, de la limitation. Donc, si vous me diriez, c'est intelligent d'aller vite, c'est intelligent à la condition que tu connaisses tes problèmes. Il y a un problème qui peut surgir, qui peut t'arrêter dans ton mouvement, puis qui va t'obliger à attendre. Mais es-tu capable de composer que le temps d'une conséquence d'une perte de contenance de vitesse? C'est pas d'aller vite qui est le problème, c'est de ne pas contenir ton mouvement qui est rapide. Fait qu'une personne qui est exposée à subir du temps, mais avec une incapacité de lecture, parce que là, elle n'est plus dans les conséquences de s'être fait arrêter, bien, elle peut avoir des problèmes tellement graves et chroniques qu'elle n'est plus capable de réussir, c'est-à-dire qu'elle n'est plus capable de se replacer en condition de réussite. Vous êtes à la bourse, vous gagnez, paf, il m'a mis une grosse perte. C'est très difficile de rembarquer. Pourtant, tu as réussi, tu as déjà eu une expérience de réussite. Mais dans l'arrêt, il te faut beaucoup de temps pour te replacer en selle. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le problème? Tu as gagné 2 mois de temps, tu te fais arrêter sur une perte de 2000, 3000, c'est quoi ton problème? C'est que tu n'es pas capable de prendre ta perte. Tu n'es pas capable de prendre ta perte, pourquoi? Parce que tu ne comprends pas. Tu comprends ta perte, ça ne te redonnera pas de l'argent, mais ça va te faire comprendre pourquoi tu t'es fait faire vivre une expérience de perte. Si tu comprends ta perte, tu peux rembarquer. Tu as déjà perdu dans la vie. On s'achète un auto, on a 3000 pièces de dépréciation par année. Ça, on dirait qu'on l'accepte. On accepte cette perte-là, puis on est capable de continuer à s'acheter des autos. On paye 3000 à la bourse, puis on n'est plus capable de rembarquer. C'est quoi le problème? C'est que tu ne prends pas ta perte. Tu ne prends pas ta perte parce que tu ne comprends pas. Tu arrives, tu achètes un auto, tu as 3000 pièces de perte, tu comprends que c'est les lois du marché. En fait, tu ne comprends rien, mais c'est les lois du marché. Puis tu acceptes que les lois du marché te fassent perdre 3000, puis 50% en 4 ans. Pas de trouble. Je viens d'acheter un char de 30 000, puis dans 4 ans, on te donne 15 000, puis c'est les lois du marché. C'est final, on n'en parle plus. Tu as tant de kilomètres, ton char a une telle dépréciation, X. Tu sais, c'est la vie. Il y a définitivement des situations où on a des mauvaises lectures parce qu'on ne lit pas autre chose que ce qu'on regarde devant notre bout du nez. Là. Mais si on commence à lire puis qu'on commence à regarder globalement, là, on va commencer à voir comment ça se passe ailleurs. Donc, bien lire, c'est pas évident, parce que bien lire, ça veut dire lire à partir de toi-même, puis ça veut dire aussi lire à partir des autres. Puis c'est une combinaison de toi avec les autres qui va faire la lecture. Si la lecture est bien faite parce qu'elle tient compte de tes besoins, puis elle tient compte des besoins de l'extérieur, bien, à partir de ce moment-là, cette lecture-là va pouvoir te permettre d'avoir une vision d'une solution. En tout cas, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que faut que je compose avec un problème, je vais amener une solution qui va être en fonction de ce que je considère être une réussite. Donc, il faut que j'aie une lecture de ce qui est une réussite, il faut que j'aie une lecture de ce qui est un problème. Puis, tourner un problème à ton avantage, c'est de bien connaître le problème. Puis, c'est aussi bien connaître dans la lecture qu'est-ce qui est une réussite. Puis, la réussite, c'est la lecture, la réussite, c'est dans votre tête. C'est pas dans l'événement, là. Mais pour ne pas perdre, puis gagner du temps, et savoir attendre, surtout savoir attendre, c'est de lire, de toujours lire. C'est quoi un problème? Le problème se pose, c'est quoi le problème? Comment qu'on l'étudie, là, ce petit problème? Si tu n'es pas capable d'étudier le problème, c'est terminé. Tu ne pourras jamais avoir une solution. Tu vas demander aux autres des solutions, mais tu ne sauras jamais toi-même c'est quoi la solution. Ça veut dire que si c'est un autre qui règle ton problème, OK, tu es dépendant constamment, continuellement des autres pour régler tes problèmes. Ça veut dire que tu n'as aucune intelligence et ton intelligence est de copier. Tu copies. Pas d'identité, pas de centre de gravité, pas de masse critique. Juste du travail de débile à ramasser du cash, si on parle de la bourse, là, pour t'acheter des bebelles, puis avoir de l'aide d'eux. Il y a plein de monde sur la planète que c'est juste avoir de l'aide d'eux. Mais ce n'est pas du monde qui sont capables d'attendre, parce que, premièrement, ils ne savent pas attendre. Savoir attendre, il faut que ce soit intelligent. Il faut que tu saches comment attendre. Attendre, c'est faire de l'étude. Un étudiant, quelqu'un qui va à l'université, qui va à l'école, qui va au cégep, qui va au secondaire, c'est un individu qui attend. Il attend de passer à l'action, il attend d'appliquer les choses, donc il est en étude. Il sait attendre parce qu'il est en mode d'étude. Mais si c'est un jeune qui va à l'école juste pour pouvoir ne pas travailler, puis faire de la petite paresse de malade, puis de copier aux examens, aimerait ça de faire passer une chirurgie de n'importe quoi dans le corps avec quelqu'un qui a copié les examens? T'as fait tout un chirurgien, ça, là. Moi, personnellement, ça ne m'intéresserait pas, là. Bon, mais on est dans une société de copieurs qu'il faut faire bien attention quand on rencontre quelqu'un, juste sur le titre, c'est pas assez. Le titre, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que le gars étudie. Ça veut pas dire qu'il étudie encore. Le meilleur test de ça, c'est que si vous rencontrez une personne qui se dit professionnelle dans ce café, il va dire, t'étudies quoi de ce temps-là? Je lui dis, moi, c'est fini les études. Crissez-moi ça là. Parce que cet individu-là n'est pas professionnel. Une personne étudie tout le temps, toute sa vie. Jusqu'à 90 ans, il va étudier. Pourquoi? Parce que dans n'importe quoi que tu fais, ça se renouvelle, ça change, c'est en mutation. Ça demande de toujours savoir lire. Bon, ben, quelqu'un qui étudie pas, il n'est pas à jour un jour. Bon, ben, ça veut dire qu'une personne qui sait attendre, c'est une personne qui raffine sa lecture tout le temps. Cette personne-là peut envisager de trouver des solutions. Peut-être pas des solutions à toutes, mais beaucoup de plus de solutions que quelqu'un qui ne prend jamais le temps d'apprendre, puis surtout qui s'installe dans son relatif savoir, puis qui dit, bon, mais la vie, ça va toujours être ça. C'est sûr que si tu te places en situation de penser que la vie, ça va toujours être la même affaire, bien, t'es mieux d'aller vivre à Saint-Ouen-Ouen des Meubeux, avec du monde qui évolue pas vite, parce que si t'es avec des gens qui sont le moindrement dynamiques, tu vas toujours être en arrière. Eux autres vont réussir, toi, tu vas avoir l'impression d'être dans un climat de « t'es toujours le plus petit de la gang », tu sais. Fait que, ça veut dire que pour savoir lire, il faut avoir un minimum de discipline à faire quelque chose qui ne rapporte pas dans un immédiat. OK? Étudier, ça ne rapporte pas dans un immédiat. Jean-Pierre, s'il va avoir des outils, des nouveaux outils, ben dans le temps qu'il passe 8-10 heures à aller voir un salon des outils mécaniques, ou aller voir des pelles mécaniques aussi, ça, il est à l'étude. Là. Pendant ce temps-là, il n'est pas productif. Il n'est pas dans une zone dite d'efficacité. Il ne remplit pas un contrat pour faire de l'argent. Il est dans une zone d'étude pour aller chercher un outil qui va améliorer son temps d'exécution et donc, conséquemment, plus réussir parce que attendre, étudier ensemble, là, savoir attendre avant de pouvoir dire « j'accepte le contrat » parce que tu attends d'avoir un meilleur outil. C'est qu'une fois que tu as l'outil, bien là, tu as déjà une solution pour pouvoir régler d'une façon efficace le problème. Les gens qui réussissent dans la vie, c'est des gens qui prennent le temps d'apprendre puis qui prennent le temps dans l'application de vérifier si leurs attentes s'appliquent dans le concret comme dans la théorie. Parce que la théorie peut te promettre des choses que la réalité peut peut-être à un moment donné défaire. C'est un bon outil dans un show d'outils, ça peut être un bon outil parce que les conditions sont parfaites pour la démonstration. Mais une fois sur le terrain, c'est peut-être pas le bon outil parce que le matériel avec lequel tu travailles, c'est peut-être un matériel qui est différent de ce qui a été fait ou présenté dans la démonstration. On s'entend là-dessus. Fait que c'est sûr qu'une personne qui étudie bien ou il peut devenir efficace, il perd du temps. Mais donc, il est en attente. Puis que quand il arrive dans le point d'application, donc dans la zone où ça demande de réussir, bien, il a fallu qu'il y ait une préparation qui a demandé du temps, donc qui a demandé une zone d'inefficacité. Il est peut-être même exposé dans l'application à connaître des pertes parce qu'il n'a pas fait une lecture totale du problème. Parce que tu peux régler une part de problème dans une étude, mais le problème, c'est peut-être pas nécessairement révélé dans sa totalité. Donc, si un problème ne se révèle pas dans sa totalité, tu peux avoir des zones cachées. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas présentées dans le problème que tu rencontres. Fait que pour rencontrer la réussite de ce qui est un, en soi un objectif, il faut que tu aies une lecture qui est toujours attentive, dans le sens que tu dis « Ah, ça, j'ai un problème. » Puis quand tu tombes dans l'application, tu dis « Oups, ça réussit, mais ça réussit pas partout. » Fait que tu, faut que tu restes attentif, c'est pas final. Tu vas avoir une réussite partielle, puis il va peut-être te falloir 40 réussites partielles pour avoir une réussite totale. Donc, il faut que tu gruges de la conscience ou de la compréhension du problème. Tu le comprends étape par étape. Des fois, tu vas parler avec plusieurs personnes. Fait que, il y a un facteur d'association dans la réussite qui est bien importante, mais avant de parler de l'association, je veux parler de la contenance. Tu ne peux pas t'associer à du monde qui n'a pas de contenance, c'est-à-dire tu ne peux pas t'associer à du monde qui a plus de contenance que toi. Parce qu'une personne qui a plus de contenance que toi n'a pas besoin de toi. Elle en a plus. Fait que tu vas y arriver avec rien. Ou tu vas y arriver avec du matériel qu'elle connaît déjà. Fait qu'il faut que tu aies une contenance dans un secteur qu'elle ne contient pas. Là, il y a échange. Moi, quelqu'un m'arrive, mettons, je suis avec Gilles, je fais de la bourse, j'ai pas les moyens de ramasser 20 000 $, mettre ça dans le marché. Moi, j'ai le moyen d'étudier. J'étais un étudiant en nez. Fait que lui, il arrive, son étude, lui, c'est de grimper dans les arbres, accumuler du cash, le mettre dans un compte, dire OK, Dan, on est prêt. Lui, il a la contenance de ça. Moi, j'ai la contenance de passer le même nombre d'heures que lui passe dans les arbres, mais à étudier comment le marché marche. Une fois que j'ai fait mon étude, puis une fois lui qui a mis le cash, puis on commence à trader, puis là, il se passe quelque chose. On a plus de chances de réussir que si on travaille chacun de notre bord et qu'on arrive frais devant le marché avec des idées qui viennent des autres, qui n'ont pas été appliquées ou étudiées, puis sur lesquelles on croit. On va se ramasser avec des pertes, on va travailler toute notre estime de vie. Il faut au moins qu'il y en ait un qui étudie, puis un autre qui s'occupe du cash. Tant mieux si le gars est capable de le faire tout seul, capable d'étudier puis d'avoir du cash, tant mieux. Mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Les forces s'arrangent tout le temps pour que un gros résultat se développe avec plusieurs personnes, en général. C'est très rare de réussir tout seul. Il faut que tu réussisses en équipe. Donc, c'est pour ça que la notion de couple est apparue dans la société. Un gars n'est pas capable de travailler, pas de femme. Une femme n'est pas capable de vivre sa vie de femme, pas d'homme. C'est bien dur d'avoir des enfants tout seul. Il faut au moins qu'il y ait une rencontre pour qu'il y ait un petit, à moins qu'on aille vers l'insémination artificielle. Puis il faut encore aller dans une clinique spécialisée. Puis tu sais, ça revient toujours qu'il faut être deux à un niveau quelconque pour pouvoir faire quelque chose de gros. Donc, si tu n'as pas de contenance, puis tu ne peux pas en avoir pour tout, tu peux avoir de la contenance pour un registre donné, mais tu peux ne pas avoir, en fait, c'est irréaliste de penser qu'on puisse avoir de la contenance pour tout. Fait que là, tu as besoin de t'associer avec un objectif bien spécifique que la contenance à 2, 3, 4, 5, 6 va permettre d'atteindre l'objectif. Dans mon expérience de vie de consultant, j'applique souvent le mot « contenance » à toutes les personnes qui me parlent de volonté, qui me parlent de l'application d'une idée ou de quelque forme de génie à donner une efficacité ou une production quelconque à long terme. Et je lui parle tout le temps de contenance. Évidemment, si on parle de savoir attendre pour réussir, on parle évidemment dans le mot réussir d'une progression. Parce que la réussite, indépendamment des gens qui jouent à la 649 et qui gagnent la loto, ben, dans tout ce qu'on entreprend qui est lié à une forme de karma, au niveau d'un travail, au niveau d'une productivité quelconque. Le professionnalisme et toutes les compétences exigent que l'individu ait une pratique, un mécanisme réflexe qui se développe avec le temps, qui se développe avec une consistance dans le geste, dans l'application, dans le mouvement de cette créativité-là sur quand même de longues périodes de temps. Et ça, on appelle ça de la contenance. Donc, évidemment, si attendre et contenir se rapprochent dans la présentation de la réussite, c'est évident que strictement attendre pour réussir de façon passive, ce n'est pas la solution. Donc, contenir veut dire quoi? Un individu qui contient a, en général, une aptitude à se défaire de la peur de ne pas réussir, de la peur de ne pas atteindre ses objectifs. Il élimine évidemment la peur d'être interféré et volé dans son idée, dans sa progression, dans son rang pour se rendre à l'objectif. Et en éliminant ses peurs, évidemment, il se rapproche d'une certitude. Souvent, les gens qui ont des échecs se présentent trop rapidement dans une performance qui leur échappe à un certain moment donné. En d'autres termes, ils accèdent à une certaine expression ou impression de réussite, mais ne sont pas capables de maintenir, de stabiliser cette lecture, de cette dynamique d'impression qui leur donne le sentiment de réussir. Et donc, tout est à recommencer. Le problème, c'est que quand on accède trop souvent à cette impression de réussir, on peut facilement en arriver à vivre aussi l'impression qu'on n'y arrivera jamais ou que ce n'est pas pour nous le fait de réussir. Moi, j'applique beaucoup, pour les gens qui font un travail de progression, j'applique beaucoup sur l'étude. L'étude, c'est la façon d'étudier ses erreurs. C'est la façon de se créer une lecture qui cherche à corriger les erreurs, qui cherche à corriger les obstacles et l'adversité devant ce qu'on cherche à être un succès. Évidemment, l'erreur en soi, on cherche à l'éviter. On ne cherche pas l'erreur pour apprendre. L'erreur se présente et on a une occasion d'apprendre. C'est inutile de vouloir être masochiste et s'impliquer dans une volonté de faire des erreurs pour pouvoir vivre l'expression d'un choc émotif ou d'un choc au niveau intellectuel et après ça de se dire « bon ben là, je vais apprendre ». L'idée est de comprendre ce qu'on fait, de structurer le plus intelligemment possible ce que l'on a à projeter pour nous donner le maximum de chances d'éviter l'erreur en soi. Mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'elle se présente, cette fameuse erreur ou adversité ou obstacle, il faut y trouver une parade, un moyen d'esquiver ou d'éviter la fameuse adversité en question. Là, vous allez me demander à quoi ça sert l'adversité, à quoi ça sert l'obstacle, à quoi ça sert d'être placé devant des erreurs. Bon, indépendamment du fait que ça nous donne une occasion d'apprendre, il y a aussi à comprendre que ça teste justement la fameuse contenance dont on parle. Et puis, un individu qui a à se donner une puissance, une intensité, une force dans ce qu'il fait, dans son application, en général a besoin de l'adversité pour se donner de la volonté et une sorte de présence profonde, parfaite, devant une situation d'adversité. En d'autres termes, le mal a son intelligence, a sa façon de faire, qui nous oblige à donner plus de profondeur, ou plus d'acuité, ou plus tout simplement de précision dans ce qu'on vise à vivre dans notre dynamique de succès. Le succès, c'est une résultante. Mais c'est une résultante non pas simplement d'intelligence, c'est une résultante d'une combinaison de l'intelligence qui est un facteur positif avec une volonté qui est un facteur négatif. J'ai toujours pensé que les gens prenaient de la maturité dans l'adversité, dans l'obstacle. Ils apprenaient à être plus patients, à être plus présents, à avoir une compréhension, disons, plus certaine et sûre de ce qu'ils ont à dire ou à faire, ou à agir pour pouvoir réellement accéder à une appréciation, à une acceptation d'un milieu, à un succès, en d'autres termes. Il faut donc ici comprendre que cette fameuse contenance se développe dans un combat, que toute personne qui ne veut pas vivre son combat, qui ne veut pas vivre cette lutte acharnée, évidemment, a très peu de chances dans la vie d'avoir du succès. Elle peut avoir, comme j'ai mentionné un petit peu auparavant, des appréciations temporaires, des effets ou des impressions de succès, mais elle ne vivra pas l'apothéose d'une consistance ou d'une constance dans ce fameux succès. Ça demande, pour avoir de l'autorité, une vision autoritaire, volontaire, une capacité de faire face à des événements négatifs, à des effets de surprise qui brisent souvent notre mouvement et sur lequel il faut beaucoup d'éléments de, je dirais, de remise en selle, de remise en forme pour pouvoir se recharger la batterie et réactiver le plus rapidement possible pour continuer à vivre sa lutte. Il faut éventuellement beaucoup d'intelligence pour ne pas lutter inutilement non plus, parce que la résistance d'un être humain a quand même ses limites, mais de se rendre à ses limites comme dans une forme d'entraînement musculaire avec des appareils, ben, ça nous permet éventuellement de repousser toujours un petit peu plus loin cette résistance, ce blocage qui s'installe dans l'être. Mais contenance, est-ce que ça va plus loin? C'est beaucoup un facteur de psychologie aussi. Les gens qui ont une lecture devant l'adversité qui est négative ont tendance à regarder les charges négatives comme des ennemis absolus. C'est sûr qu'on ne voit pas ça comme des amis parce que adversaire veut dire inévitablement quelqu'un qui veut nous détruire ou quelque chose qui veut nous détruire ou quelque chose qui veut enrayer un mouvement qu'on a amorcé. Donc, évidemment, si on parle de lutte ou de combat, on parle d'exprimer l'autorité d'une raison, d'une perception, d'une lecture, et on est confronté à une lecture qui est adverse, mais qui n'a pas nécessairement un manque d'intelligence parce qu'elle est adverse. Donc, il faut éventuellement comprendre qu'il faut comprendre et connaître son adversaire. Il faut lire son intelligence et avoir une lecture exacte de sa puissance. Parce que dans sa recherche de nous éliminer, ou de nous combattre, ou de nous diminuer, il est évident qu'il y a une direction dans son action. Et si l'action que vous avez est contraire à l'autre, il faut savoir si votre direction ne peut pas muter ou se modifier pour que vous puissiez éliminer le maximum d'adversité. Je demandais à un de mes amis qui était dans les arts martiaux, qui était ceinture noire, qu'est-ce qui apparaissait comme étant le plus important dans un combat? Et spontanément, il m'a répondu, c'est de perdre le moins d'énergie possible. Si l'adversaire est plus fort que vous, il faut toujours que vous soyez capable de rester en vie. Il faut que vous soyez capable d'éliminer les excès de perte d'énergie. Il dit, avec un bras coupé, il dit, avec une force de frappe d'un adversaire qui est beaucoup plus puissant que vous, vous risquez de perdre beaucoup d'énergie. Plus vous évitez le choc, plus vous évitez de perdre beaucoup d'énergie. On pourrait dire que pour conserver une contenance, qui dans certains cas est embryonnaire, que dans d'autres cas c'est quand même assez étudié, et ça fait de longue date qu'on a cette fameuse contenance, il faut éviter les pertes d'énergie. Dans un autre ordre d'idée, j'avais une lecture que je faisais sur les mouvements boursiers, des gens qui faisaient des traders, comme on dit en anglais, des spéculateurs. Et un des spéculateurs qui m'a bien fait rire, c'est une affirmation qu'il a fait en disant « Si vous ne perdez pas à la bourse, vous êtes sûr de gagner. » En d'autres termes, si vous perdez le moins d'argent possible, si vous éliminez le plus possible le jeu de la perte, ben, vous êtes sûr d'avoir un avantage financier, d'avoir un gain. C'est basique comme lecture, mais ce qu'il voulait nous dire dans sa théorie, c'est que si vous trouvez plus de mécanismes pour vous protéger dans les marchés, trouver un mécanisme simple pour gagner est garanti. Ce qui est le plus difficile à l'intérieur d'un système qu'on se crée et qu'on a à suivre, c'est de trouver le moyen de se protéger le plus possible. On pourrait dire que dans une structure de couple, il y a des fois de l'adversité. Un de mes amis m'a dit à un moment donné, « Moi, avec ma femme, j'ai une théorie pour ne pas m'épuiser. » Il dit, « Je la laisse changer d'idée quand on n'est pas d'accord. » Et s'il reste sur son idée, ben, je m'adapte. C'est donc dire ici que dans toutes les formules où l'individu a à chercher à garder contenance, c'est d'éviter des chocs trop grands avec l'adversité qui pourraient briser à tout jamais votre contenance. Et tout ce que vous pouvez faire pour éliminer des pertes d'énergie sont toujours valables. Se protéger. Un de mes grands amis me disait tout le temps, « Daniel, il faut toujours penser à se protéger. » Ça ne voulait pas dire de briser nos élans et d'être défensif en tout temps. Ça veut dire que peu importe la façon dont on s'engage dans une lutte et un combat, ou dans une recherche de succès, il faut savoir se protéger. Il faut toujours avoir un plan B, quelque chose qui nous permet de ne pas être parfaitement ou totalement déséquilibré. Donc, si l'individu sait comment se protéger, peu importe la forme qu'il prendra, il va nécessairement améliorer sa progression, améliorer son développement. Ça peut être excessivement lent, mais au moins, il est encore dans la course. Vous avez un portefeuille boursier, vous mettez 5 000 $ pour en faire 1 000. Si vous en perdez 3 000, ça va être très long de refaire la remontée de 3 000 avec 2 000 et de refaire un autre 1 000 supplémentaire. Si vous protégez votre capital le plus possible avec une étude très approfondie, avec une lecture qui est plus que parfaite du marché, ben vous allez faire votre 1 000 plus rapidement que celui qui est obligé de se caler une perte monumentale pour reprendre son mouvement. Donc ici, ce que je mets en relief, c'est que l'effet de protection qui est recherché chez un être pour son succès est aussi vital que l'idée qu'il a de se projeter pour avoir une réussite. Si vous appliquez trop sur une vision optimiste, vous risquez d'avoir des très mauvaises surprises et pire que ça, vous risquez de vivre des imprévus que n'importe qui est capable de se protéger est capable de lire. En d'autres termes, si une personne sait regarder les zones à risque et admet qu'il y a vraiment un risque, ben, s'il se protège, il va éviter de perdre de l'énergie. Très important de comprendre que l'individu qui se contient ou qui a une contenance réelle dans ce qu'il fait a aussi une vision passive, négative, une vision protectrice et qu'il a en même temps une vision dynamique qui établit une projection et projette des idées qui sont excessivement valables et qui demandent à être supportées par une grande protection. Vous regardez souvent des hommes d'État qui sont des cerveaux, des têtes, sur lesquels la population mise beaucoup, et ces gens-là ont des gardes du corps. Ces gens-là ont un système de protection pour protéger justement cette tête. Regardez dans la nature les abeilles, regardez la reine abeille, il y a toujours des soldats qui viennent protéger la reine. Donc, il y a toujours quelque chose qui doit protéger une bonne idée, qui doit protéger du positif. Le positif doit être protégé par des éléments qui ont une expérience des charges négatives, qui ont une expérience de l'adversité, qui ont une expérience de certaines zones de conflit dans lesquelles les individus doivent apprendre à négocier une protection. Dans l'évolution de votre vie, vous avez remarqué qu'on vous offre des assurances. Assurance automobile, assurance maison, assurance de quelque forme que ce soit. Bon, évidemment, on ne souhaite jamais avoir à utiliser ça parce que ça nous impose des coûts qui, lorsque l'accident arrive ou que l'événement négatif arrive, l'assurance ne nous couvre pas nécessairement à 100% et on est obligé de débourser. Mais l'objectif de l'assurance, ce n'est pas de vous protéger à 200%. C'est de vous empêcher de crouler ou de vous écrouler sous une charge négative que vous auriez à faire face seul. Donc, si on vous récupère les trois quarts de vos énergies investies, c'est déjà énorme. Donc, c'est sûr que si l'évolution de votre vie est une évolution que vous dites, « Bah, moi, j'ai pas besoin de protéger, il n'y a rien qui va m'arriver », ben quand ça va vous arriver, vous allez être au plancher et vous allez perdre contenance. Et cette contenance qui est si chère au succès, elle est très difficile à reconstruire quand on l'a perdue. Parce qu'une personne qui bâtit sa contenance a une énergie sans mémoire. Tandis qu'une personne qui a perdu contenance et qui doit se reconstruire a une énergie avec mémoire négative, c'est-à-dire avec mémoire d'échec. Et c'est pas évident, tout le temps, de refaire un mouvement de développement de contenance quand on l'a perdu à travers, entre guillemets, une erreur ou un échec qu'on n'a pas compris. Souvent, pour être capable de se rebâtir rapidement dans une perte de contenance, il faut être capable de retourner en arrière et de lire ce qui nous a mis justement au plancher et d'avoir la simplicité, éliminer l'orgueil, la réflexion, éliminer cette fameuse mémoire qui cherche à s'enraciner dans l'humeur, l'état, le sentiment de cet échec. Et éliminer ça, c'est pas évident. Ça demande beaucoup des fois d'intervenants, dépendant évidemment de la nature de l'obstacle ou de l'adversité qu'on a goûté. Et ça demande quasiment de se remettre au monde dans certains cas. Donc, pour cet aspect-là, qui est le succès, il faut bien comprendre que c'est l'aboutissement d'une longue démarche dans une polarité où il y a un positif pour donner des bonnes idées et développer une intelligence, et du négatif pour développer une volonté et une grande contenance devant l'adversité, devant les obstacles, pour justement, dans la symbiose des deux, permettre à l'individu de développer un professionnalisme, un esprit de progression, un esprit excessivement prudent, mais fortement capable ou apte à l'attaque pour pouvoir se donner une autorité dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il dit qu'il va faire. Bon, OK, vous n'avez pas la contenance que vous voulez. Vous dites, bon, c'est trop gros pour moi. Il y a trop d'adversité. C'est là que rentre en ligne de compte le deuxième facteur, qui fait que vaut mieux partager un succès que de ne pas l'atteindre. En d'autres termes, si vous n'êtes pas capable seul de parvenir à vos fins, de parvenir à ce qui est votre objectif, il devient à ce moment-là assez évident que si vous êtes capable de laisser de côté votre besoin d'être meilleur que tout le monde, ben, vous pouvez facilement partager la démarche dans laquelle vous faites pour accéder à un succès de groupe, de petit groupe, un groupe étant un minimum de 3 personnes. Une association peut commencer à 2, mais le groupe, c'est 3 personnes et plus. Et inévitablement, dans ce groupe, ben, vous allez avoir des talents différents, une résistance différente et une aptitude à regarder souvent à 360 degrés. Si on part du principe que vous, vous avez une aptitude à lire à 120 degrés, ben, 3 personnes à 120 degrés, ça fait 360 degrés. Très important de comprendre que partager pour réussir, c'est à notre époque où on pense grand et on pense gros, ça m'apparaît comme étant une des rares façons, une des seules façons, pardon, d'accéder à ce fameux succès. Je vois difficilement aujourd'hui un individu bâtir un logiciel seul. Les logiciels sont tellement complexes que ça demande des équipes de travail qui ont beaucoup de ressources financières et beaucoup de ressources de temps et beaucoup de ressources d'idées pour parvenir à la création d'un module qui est compétitif sur les marchés actuels. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui réussissent seuls. Ça, c'est des génies. Ça, c'est des gens qui ont réellement une vie, on pourrait dire, quand même assez facile. Mais êtes-vous dans cette catégorie des génies? Si oui, bien, tant mieux. Vous n'avez pas besoin d'un groupe. Vous allez pouvoir réussir seul. Mais toutes les gens que j'ai vus avec des bonnes idées avaient, pour continuer à concevoir, besoin d'un environnement qui était capable d'exécuter. Et les gens qui savent travailler entre la conception et l'exécution, ceux qui sont d'excellents exécuteurs et qui trouvent un bon concepteur ou qui trouvent une bonne idée créée et pensée par d'autres, peuvent fonctionner. Mais dans tous les cas, les deux éléments, c'est-à-dire l'exécution et la conception, doivent d'abord et avant tout se reconnaître une intelligence, se reconnaître une aptitude à faire face à des adversités et, conséquemment, être capable de trouver le moyen de moduler leur vie avec une association la plus, je dirais, harmonieuse possible. Vous avez de la difficulté dans vos associations, c'est une adversité, et vous voulez réussir, et vous savez très bien que pour réussir ce que vous voulez faire, ça demande de passer par une sorte d'association, une combinaison de vos talents, de vos compétences, de vos ressources. Je vous le dis, le meilleur placement dans votre vie, est-ce que quand vous avez réellement réalisé que vous ne pouvez pas tout faire seul, le meilleur placement, c'est de trouver le moyen soit d'engager des gens ou de vous associer avec une répartition des profits, avec une répartition du prestige, avec une répartition quelconque qui permet que ça conserve son mouvement. Souvent, quand une personne perd contenance, son mouvement s'arrête. Quand elle s'associe, quand il y en a un qui tombe, il y en a toujours un debout. Il y en a toujours un qui est capable de continuer. Il faut donc considérer le fait que le mouvement est protégé par l'équipe, mais que le mouvement est difficilement protégé par une personne. Vous voulez un exemple d'association dans la société? Les moteurs. Avez-vous vu beaucoup de moteurs un cylindre dans les autos? La plupart ont 4 cylindres. La plupart, je dis bien, il y en a 3 cylindres, mais d'une façon générale, on parle de 4 cylindres. Et on va facilement à 8 cylindres. 8 personnes, 8 identités communes, différentes, qui travaillent pour la même raison, faire avancer le véhicule. C'est donc dire ici que 4, 6 ou 8, c'est toujours un travail d'équipe, C'est toujours un travail qui permet avec l'équipe de progresser plus rapidement, de progresser avec plus de puissance, de contenir les manques dans les efforts, parce qu'un cylindre ne pourrait pas faire le travail, 4 cylindres le fait mieux, 6 cylindres encore mieux, et souvent 8 cylindres beaucoup mieux. Donc, l'évolution, c'est un travail de communication. La réussite, c'est souvent à travers de la communication. De la communication, ça suppose quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute. Ça suppose une alternative. Ça suppose une alternance. Ça suppose une capacité de se dire les choses telles qu'elles doivent l'être devant une situation complexe, une situation difficile. Je dis donc que le succès, souvent, très souvent, c'est le propre d'une équipe. Un musicien qui s'est rendu au sommet, au Award, comme on dit, au Academy Award, les gros trophées, ils ont toujours eu une grosse équipe derrière eux. Une équipe de production, une équipe de musiciens, une équipe de publicistes, une équipe de maquillage, une équipe de tout ce que vous pouvez imaginer que j'oublierai certainement de tout donner. Et ces gens-là, la personne qui réussit, elle est obligée à un certain moment donné de remercier des centaines de personnes pour avoir accédé à l'impression d'un succès qui ne dépend pas que d'elle. Céline Dion, elle est extraordinaire. Elle a une belle voix, mais pas de René Angélil, pas d'équipe pour supporter les tournées. Elle ne pourrait rien dire, rien faire et ne rien chanter. Donc, ce qui veut dire que les phénomènes d'association qui se présentent à vous sous différentes formes ont toujours une valeur pour permettre à votre identité de se développer et des idées que vous avez de s'accomplir. J'applique beaucoup sur le fait de l'association parce que les gens ont tendance à voir dans l'association une source d'adversité. Alors que, en réalité, pour réussir quoi que ce soit, cette fameuse adversité apparente, lorsqu'elle est réglée, elle permet à deux individus d'avoir encore plus de force parce qu'ils savent qu'ils sont capables de passer ensemble des épreuves et ils sont capables conséquemment de régler les problématiques qu'ils peuvent avoir entre eux dans une épreuve. Tout le travail qui se fait à l'interne pour développer une contenance et un bon échange entre coéquipiers est un gage de réussite vers l'extérieur. Je m'exprime d'une autre façon. Si tout ce qui se passe dans une équipe est un microcosme de ce qui sera vécu de façon macroscopique dans la société, vous allez vivre le miroir de tous vos problèmes internes. Et tout ce que vous allez vivre à l'interne sera reproduit pièce par pièce en mode amplifié dans une vie publique, dans une vie sociale. Donc, c'est pas en soi très drôle de vibrer de l'adversité, surtout pas à l'interne. On a l'impression de se marcher sur les pieds et de s'empêcher de réussir. Mais tout le travail qui sera fait pour réussir à éliminer les jeux d'adversité à l'interne vont permettre une très grande puissance de frappe à l'externe, donc donner un macrocosme qui va être aussi efficace, précis, intense que ce que vous vivrez à l'interne. Si vous avez des adversaires, il y en a qui disent tout le temps, si vous pouvez pas le battre, achetez-les. C'est une autre façon de le voir, c'est une façon de créer des associations. Il y a beaucoup d'entreprises qui achètent d'autres entreprises justement pour éliminer la compétition, mais surtout aussi pour bénéficier des forces de l'adversaire qu'ils ont reconnu et dans l'association, trouver le moyen de pouvoir donner encore plus d'impact, plus de puissance dans la structure pour qu'elle puisse encore mieux pénétrer les marchés et probablement faire face à de plus gros adversaires. Donc, c'est très important de voir l'association comme étant une solution, de voir l'association comme étant un moyen d'accéder à une réussite qui est libéré des jeux de réflexion de l'ego qui voudrait s'approprier toute la réussite à lui seul. Et comme, évidemment, bien des gens savent qu'une réussite ne peut pas se vivre seule, ben là, à ce moment-là, ça demande énormément de puissance, d'impact pour pouvoir se créer un environnement qui est libre de toute forme de tension. La communication a des effets extraordinaires quand elle est bien vécue et, entre autres, permet justement de ne jamais perdre confiance et donc, conséquemment, de ne jamais perdre contenance.